Effeuille-moi, qu'on s'amoure. Mange mon fruit et savoure ton amour tremblant chaque feuille. Je t'effeuille. Feuille par feuille, l'arbre s'effeuille. Tu m'effeuilles. On se tombe dans les pommes. On se consomme. Comme des pommes, on se mange. Mange mon cœur, qu'on s'enlace. Mange mon temps, mon espace. Et notre amour. Monte en transe, je te danse et je jouis de ta jouissance. Goutte à goutte, la joie tombe de tes paupières. Je te goûte, dans tes yeux monte une lumière. Allume-moi. On s'envole, viens tomber dans la neige folle. Avec la neige vole, la parole dans chaque flocon frissonne. Tâte ma peau, des mille bouches me bouillonnent. Tu me passionnes. On se tombe dans la neige. Enneige-moi. Souffle-moi, mange ma vie, bois tout mon souffle et jouis. Notre amour vole en arpège. Je te chante, tu me fais fondre comme de la neige. Se lamente, tu m'enchantes, c'est de ta voix que je chante, en chante encore mes oreilles, vole de mes ailes, hirondelles. Thank you. sur mes lèvres, s'ouvrant chaque fleur et rayonne. Sans ma fleur, chaque baiser nous bourgeonne. En douceur, je baise le printemps dans ta fleur. Effleure-moi de tendresse. Chaque fois que l'on se donne.